quelque part. Encore une bouffée d'air. Et ensuite on s'en va. Chaque battement de tes cils fracasse en un éclat. Ne laisse que le mystère. Toi contre moi. Près de toi. Suive tes pas près de toi, loin de moi, près de quoi, ta vie d'entre nos voix. Entre nos voix.